au bord de la clairière. Allez les gars, en avant, wouhou. Moins vite un peu quand même, hein. Pardon, j'ai jamais mis un bail fouet-chir mandor. Friedrich, mademoiselle Mila, wow. Oh, Friedrich, vous êtes vivante, trop bien. On n'arrive pas trop tard. Comme je suis contente de te voir. C'est bizarre de monter sur des écureuils, c'est super rapide comme un chariot. Allez, venez, mademoiselle Mila. Comment avez-vous fait pour... Enfin, je veux dire, il y a encore une armée à Wichita. Quand des écureuils sont arrivés dans un de nos chantiers, ils nous ont dit ce qui se passait en haut. Et ils nous ont parlé de vous. C'est que des creuseurs, mademoiselle Mila. Que des creuseurs qui sont là, pas des soldats. On vient pour Squeaky Boots. Depuis l'attaque des rats à Wichita, bien des choses ont changé. Tu me raconteras ça après, Friedrich. On a une bataille à gagner. Pour Wichita. Je me suis lancé sur Ratis. Ma blessure me lançait, mais je n'avais pas d'autre choix. Dans la douleur, je devais continuer le combat. Il me restait mes gants munis d'épines de rose. J'ai voulu donner un coup, mais Ratis l'a aussitôt paré de ses griffes. Coup après coup, il paraît grognant, bavant de rage. Son œil flamboyait à nouveau de cette effrayante colère. Tu crois que de simples baies fouiches vont m'arrêter, Squeak? Nous sommes écartés l'un de l'autre, et chacun nous ramassions une lance. Nous possédons la technologie. Une lance contre un fusil, Ratis. Dis-moi si les tiens vont tenir le coup. Les rats, peut-être, continueront la bataille. Mais tous tes alliés, Ratis, ils prendront... peur. Ratis se jeta sur moi. J'eus juste le temps de parer le coup avec ma lance. Le duel reprenait. Il devait prendre fin. Au cœur de la bataille... Wow, alors c'est ça le nouveau monde? Quel bordel! Friedrich, à droite! Il en recule, on dirait! Il bat en retraite! Bifwish en ligne, prêt! Tirez! Rechargez! Tirez! Wow! C'était quoi ça? Le tonnerre, Friedrich! T'inquiète pas, ça fait plus de peur que de mal! Nous sommes en train de gagner, Mila! Je sais! Ouais, on est en train de gagner! Dans un arbre. Ouais, tes amis sont convaincants. L'armée Tractus part en retraite, dans le plus grand désordre. Wow, ça arrête de pleuvoir. Les nuages vont bientôt s'écarter. Ouais, et le soleil va revenir. Bender. Oui. Merci. Merci pour tout, gars. Pas de quoi. Regarde, la clairière se vide totalement de l'armée de Ratis. Il n'y a plus que des baïfouches et des écureuils maintenant, ouais. Ouais, des milliers de corps. Ah, tu as mal, Squeak. Je m'écartais de Ratis, mon épaule me lançait. La blessure saignait toujours, elle me brûlait. Oh, bien joué. Il ne cessait d'attaquer, je ne pouvais que parer. Pas un instant, pas une seconde, je ne puis pointer ma lance vers lui, dans l'espoir de le toucher. Pas une seconde. Mais lui, il avançait en grognant. Son œil rouge flamboyant s'écroulisant. La pluie s'arrêtait doucement. Je ne perdrai pas, Squeak. Je ne peux pas perdre. J'ai prévu bien des choses. Vous ne m'arrêterez pas. Tu parles trop, Ratis. C'est l'évolution qui veut ça. Parade. Et stock. Parade. Une faille. Il levait trop sa lance. J'ai plongé roulant entre ses jambes dans la boue, plantant ma lance dans son torse une nouvelle fois. Lorsque je me suis retourné accroupi, Ratis contemplait la lance qui le traversait. Il la retira d'un coup sec, enragé. Ce n'est pas un bout de bois qui viendra à bout de Ratis. Il s'avançait vers moi. J'essayais de me remettre debout, mais la boue m'en empêchait. Je glissais sans cesse. Ratis avançait vers moi. Cette fois, c'est fini, Squeak. Bah, effouiche.